إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشهر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله nous rentrons إن شاء الله dans le dernier chapitre du livre de la prière qui s'appelle Bab Salat al-Eidayn, le chapitre des prières, de la prière des deux fêtes, des deux Eid. Donc il y a beaucoup de choses à dire ici. Avant de commencer à lire et à expliquer ce qu'a dit l'auteur du livre, il faut savoir que ces deux prières ont été établies et instituées et légiférées par le livre, par la sunna et par le consensus des savants. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune divergence sur les savants quant à la légitimité de ces deux prières. Les polythéistes, au temps du prophète, l'avènement du prophète et durant son époque, avaient l'habitude de fêter dans l'année plusieurs fêtes. Certaines étaient liées à des endroits, d'autres étaient liées à des moments dans l'année. L'islam est venu invalider l'ensemble de ce que faisaient et de ce que fêtaient ces polythéistes. Et il a établi à la place deux fêtes légiférées dans l'islam qui sont Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. C'est-à-dire la prière de la rupture du jeûne, 1, 2, la prière du sacrifice rituel. Pourquoi ces deux fêtes ont été instituées et légiférées? Bien sûr, elles sont au bénéfice des croyants car ils viennent de remplir et d'accomplir deux grandes ibadas parmi deux grandes adorations parmi les grandes adorations de l'islam qui sont le jeûne du mois de Ramadan et le Hajj. La prière du Fitr vient pour parfaire le jeûne alors que la prière de l'Adha vient pour parfaire et clôturer le Hajj, si on peut le dire comme ça. D'une manière symbolique, je parle bien sûr. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, les gens avaient deux jours consacrés où ils pouvaient s'amuser. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا. Allah vous a donné à la place de ces deux jours, deux autres jours qui sont meilleurs pour vous. Et il voulait signifier sallallahu alayhi wa sallam, عَيْدَ الْفِطْرِ وَعَيْدَ الْأَضْحَى. C'est deux fêtes que je vous ai mentionnées. Deuxième chose, pourquoi El-Eid s'appelle en arabe El-Eid? El-Eid, ça vient de la racine trinitaire Awada, qui signifie revenir. C'est pour ça qu'on dit en arabe Aada Ya'udu, le verbe Aada Ya'udu, Aoudan, qui veut dire revenir en arrière, retourner. Et le Eid s'appelle comme ceci, ou s'appelle chez les arabes Eidan, pour la simple et bonne raison qu'il revient chaque année. Il revient avec ses joies, il revient avec tout ce qu'il peut apporter comme bonheur et comme agrément. Deuxième chose, et c'est ce que disent les savants, ce Eid aussi, pendant ces deux Eid-là, Allah revient vers les croyants avec ses bienfaits. Tabaraka wa ta'ala. Ceci étant dit, l'auteur du livre dit « Babu salatil Eidayni » le chapitre de la prière des deux Eid. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. L'auteur du livre ici a simplement cité le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui est un hadith متفق عليه. Et je vous le rappelle, est un hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim selon un seul et même compagnon. Le prophète a dit ici, ou plutôt le sahabi a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux gens de sortir pour ces deux fêtes, c'est-à-dire de sortir dans l'endroit où ils vont prier, De même que l'awatiq, on va expliquer qui sont l'awatiq ou l'huyyara. L'awatiq, jam'u'atiq, l'awatiq, ce sont toutes celles qui, d'une manière générale, ou ce sont toutes les servantes qui ne sont pas encore mariées. Donc, en général, elles restent à la maison. Or, pendant cette occasion-là, le prophète leur a ordonné de sortir avec les gens. De même, al-huyyad, ce sont les femmes qui ont leur menstru. Malgré cet état, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a vivement conseillé, si ce n'est qu'il leur a ordonné de sortir pour assister au bien qu'il y aura durant ce prêche et durant cette prière. Non. Donc voilà pourquoi le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, même al-awatir, c'est-à-dire c'est ces femmes-là qui ne sortent pas de chez elles car elles ne sont pas encore mariées. De même, les femmes qui ont leur menstru, elles assisteront aux biens et aux invocations des musulmans. Mais que les femmes menstruées s'éloignent de l'endroit de prière. Non, pour les raisons qu'on va expliquer, Inch'Allah Tabarakata. Ceci étant dit, les savants ont divergé sur le statut juridique de la prière d'Al-Eid. Est-ce une obligation pour tout le monde? Est-ce une obligation pour un certain nombre de musulmans, de telle sorte que les autres en seront dispensés? Est-ce une sunna mu'akkada, à savoir que celui qui ne la fait pas, il ne commet pas de péché? Il y a trois avis chez les savants. Le premier avis, c'est que c'est une obligation à titre individuel pour chaque musulman et chaque musulmane qui en a la capacité. Ça, c'est l'avis de ceux qui suivent le madhhab de l'imam Abi Hanifa, Al-Ahnaf. Une des versions de l'imam Shafi'i, une des versions de l'imam Ahmed, c'est aussi l'avis de Cheikh Lissam ibn Taymiyyah et c'est aussi l'avis de l'auteur du livre, Abdurrahman ibn Sa'd, rahmallah tabaraka wa ta'ala. Et d'autres grands savants. Il s'appuie sur les dalils suivants. Écoutez bien. Allah dit tabaraka wa ta'ala, fassalli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur et sacrifie. On a dans cette formulation du verset coranique en arabe deux verbes à l'impératif qui impliquent un ordre religieux. Ça, c'est une règle que vous devez connaître dans Usul al-Tafsir. كل فعل أمر في القرآن يقتضي الوجوب إلا إذا كان هناك قرينة تصرف الوجوب إلى الاستحباب. Il y a dans le Coran des verbes impératifs. Jusqu'à preuve du contraire, ce verbe impératif il implique quoi? Une obligation religieuse. Quand Allah dit فصلي, prie, alors on en déduit que la prière ici est obligatoire. Sauf si on a un texte où un autre verset ou un hadith du prophète qui viendrait nous montrer que ce n'est pas ici l'obligation qui est voulue, mais plutôt la recommandation. Voilà que les hadiths ici, ceux qui disent que c'est une obligation à titre individuel s'appuient sur ce verset coranique. Prie pour ton Seigneur et sacrifie. Donc, la prière du Eid, comme le sacrifice, sont obligatoires pour toute personne qui en a la capacité. De même, Allah dit tabaraka wa ta'ala, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ. Certes, aura réussi celui qui se sera purifié, qui aura évoqué son Seigneur et qui aura prié. Aussi, Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah après qu'il vous ait guidé. Et le fait qu'Allah ordonne qu'on proclame sa grandeur en disant Allahu Akbar, alors ceci est une allusion au fait que la prière est obligatoire car dans la prière il y a le takbir. Dans la prière on dit Allahu Akbar. Aussi, et ça c'est le hadith qu'a cité l'auteur du livre, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux femmes de sortir dans le musalla pour prier, alors que la prière des femmes, d'une manière générale, est meilleure quand elle l'a pris chez elle, ceci nous prouve qu'il y a une obligation derrière. Car sinon, le prophète n'aurait pas laissé une obligation pour quelque chose qui est seulement recommandé. Non. Donc il a ordonné les femmes, il a même ordonné aux femmes qui ont leur menstrue d'assister à cette khutba. Pour montrer le caractère presque obligatoire, si ce n'est qu'il est obligatoire pour ces grands savants, d'y assister et de la faire. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, c'est le fait de dire que c'est une obligation, mais si un certain nombre de musulmans l'accomplissent, les autres en sont dispensés. C'est ce qu'on appelle el-wujub al-kifaya. Ça, c'est l'avis d'Al-Hanabila, de ceux qui suivent le mazhab de l'imam Ahmed et certains Shafi'is. Ils prennent les mêmes dalils que le premier avis. Seulement, ils disent quoi? Ils disent, on ne peut pas dire que c'est une obligation comme la prière du Jumu'ah est une obligation. Pour quelle raison? Car la prière du Jumu'ah, elle a un iqama, il y a l'adhan, alors que dans cette prière, il n'y a pas d'iqama, il n'y a pas d'adhan. De même, dans la prière du Jumu'ah, ils disent que si cette prière était obligatoire, alors le fait d'écouter la khutba est aussi obligatoire. Donc ils disent, puisque le fait d'écouter la khutba n'est pas obligatoire, dans ce cas-là, la prière ne l'est pas non plus. Ce sont les arguments qui sont un petit peu, on va dire, tangents, hein, qui ne sont pas très très solides par rapport au premier avis. Le troisième avis, c'est le fait de dire que c'est seulement une sunna. Non. Et ça, c'est le madhab de l'imam Malik, ou l'avis de l'imam Malik, et la plupart des Shafi'is. Ils disent que ce qui nous prouve que ce n'est pas une obligation à titre individuel, c'est l'histoire de ce bédouin qui est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il me semble que j'en avais déjà parlé. Et il a énoncé les cinq pieds de l'islam. Et concernant les prières, il a dit, si je prie les cinq prières et que je ne rajoute rien à ceci, là, est-ce que je rentrerai au paradis? Le prophète lui a dit oui. Il a dit, sauf si tu veux rajouter de ton propre chef. Donc ils disent, c'est un hadith qui est général et tout ce qui est en dehors des cinq prières quotidiennes n'est qu'une sunna, n'est pas obligatoire. Hein? C'est une manière de voir les choses. À la Kulhal, l'avis le plus fort dans ça, c'est le premier avis. C'est d'ailleurs sur ça que les savants contemporains s'appuient, ou plutôt ils vont dans ce sens-là en disant que c'est une sunna, ou plutôt une obligation à titre individuel, au regard des preuves qui ont été étayées et citées. يقول الإمام بعد ذلك ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. Quel est le temps où l'on doit réciter, où l'on doit prier cette prière de l'Eid? Là, je ne parle pas de la khutbah, barakallahu fikoum. Je parle juste des deux rak'at que l'on fait pendant le l'Eid. À quel moment elles doivent être priées? L'auteur du livre nous dit ici, le temps de cette prière, c'est dès lors que le soleil s'est élevé à hauteur d'une lance jusqu'à ce qu'il atteigne le zawal, c'est-à-dire son point culminant le plus haut dans le ciel. On avait expliqué à maintes reprises qu'est-ce que signifie qu'il a romhin. Qu'il a romhin, c'est lorsque le soleil arrive à se lever à une certaine distance à l'œil nu, il est équivalent, à l'œil nu, il est équivalent à une hauteur à peu près de 3 mètres à l'horizon. 3 mètres au-dessus de l'horizon, de la ligne d'horizon. Il est plus, comment dire, judicieux de le quantifier par rapport au temps, plus qu'à l'observation à l'œil nu. Par rapport au temps, les savants l'estiment entre à peu près 20 minutes, 20-25 minutes après qu'il ait commencé à apparaître à l'horizon. Vous comptez 20-25 minutes à partir de ce moment-là et vous avez le temps du Eid, le début de l'heure du Eid, qui est aussi le début de l'heure de Salat al-Dhuha, la prière de Dhuha que l'on fait à titre surérogatoire. Donc ça, c'est le début de l'heure. Mais ce qu'on appelle, c'est un waqt muttasar. C'est un temps qui n'est pas défini, ponctuel. On a une certaine largesse dans ce temps-là. On peut prier le Eid jusqu'à ce que le soleil atteigne son paroxysme dans le ciel, c'est-à-dire son point culminant dans le ciel. Donc, peu avant le dhuhr. Tout ça, c'est l'heure du Eid. Mais on va voir qu'il est préférable de le prier assez tôt. Surtout pour la prière du sacrifice. يقول الإمام بعد ذلك والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه ويذهب من طريق ويرجع من آخر فيصلي بهم ركعتين بلا آذان ولا إقامة. À partir de ce moment-là, l'auteur du livre ici va citer ce qu'on appelle As-Sunan, c'est-à-dire toutes les règles qui sont liées à Salat al-Fitr ou Salat al-Adha. Quand on dit Sunan, ce sont des choses, dans la majeure partie des cas, qui sont recommandées. Awalan, il dit fi'luha fi sahra. On fait cette prière dans As-Sahra. Qu'est-ce que signifie As-Sahra? As-Sahra, c'est en fait sortir de la ville à un endroit dégagé où on peut réaliser ce pourquoi la prière du Eid est légiférée. Elle a été légiférée pour que les gens puissent se rassembler dans un endroit unique. Et ceci n'est possible que lorsque l'endroit est vaste et assez dégagé. Que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il sortait de Médine, mais il n'allait pas non plus à des kilomètres en dehors de la ville. Il sortait à 1-2 kilomètres de la ville, de telle sorte que les gens pouvaient aisément y aller à pied, et ils se rassemblaient dans cet endroit-là afin d'accomplir la prière ensemble. Une jama'atil wahida. Un seul et même groupe, une seule et même jama'a. Non. Il y a beaucoup de bienfaits dans ceci, et parmi un des grands bienfaits dans ceci, le fait qu'ils prient tous derrière un seul et même imam, c'est que les musulmans, à ce moment-là, vont pouvoir ressentir l'izza, la fierté, ou al-quwwa, et la force des musulmans et leur nombre. Et le fait qu'ils se sont réunis comme un seul et même homme dans un seul et même endroit. Fi'luha fi sahra. On le fait dans le sahra. Ceci est corroboré par le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. الحديث أبي سعيد الخدري. Le prophète صلى الله عليه وسلم avait pour habitude de sortir le jour du Fitr et le jour de l'Adha vers la Musalla. Certains savants ont dit que le fait de sortir vers la Musalla et de ne pas prier dans le Masjid est une obligation. Pour quelle raison? Car ils disent que la prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam équivaut à 1000 prières dans n'importe quelle autre mosquée sauf dans Al-Masjid al-Haram ou Al-Masjid al-Aqsa. Donc, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va délaisser une prière qui équivaut à 1000 prières? Non? Comment il va délaisser ceci? Si seulement si on dit que le fait de prier à l'extérieur de la mosquée est seulement recommandé. Ceci a poussé certains savants à dire que le fait que le prophète est parti prier dans le Musalla à l'extérieur, ceci est une obligation. Sinon, le prophète n'aurait jamais délaissé la prière dans sa mosquée qui a cette valeur de 1000 prières dans n'importe quelle autre mosquée, sauf Masjid al-Haram ou Masjid al-Aqsa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais ne délaisse la prière dans sa mosquée pour une excuse valable. Et cette excuse valable pour laquelle il a délaissé la prière dans sa mosquée, c'est que la prière dans cette mosquée est une obligation. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Ceci soulève un point important. Il est interdit, quand on a la capacité de se réunir dans un seul et même endroit, il est interdit de multiplier al-musallayat, les endroits de prière, aujourd'hui. Car ceci viendra à diviser les musulmans. Donc, cette prière-là, barakallahu fikoum, elle se fait, fil musalla, à l'extérieur, dans un endroit dégagé. Sauf pour une seule mosquée, Masjid al-Haram, à Mecca. Masjid al-Haram Mecca, les gens qui vivent là-bas ou qui sont là-bas pendant l'Eid, ils prient dans la mosquée. C'est une exception dans le monde, non, qui sort de la généralité. La question aussi qui se pose aussi, si on n'a pas d'endroit pour prier à l'extérieur, dans ce cas-là, on prie dans la mosquée. Mais c'est un cas de nécessité. Hein? Et la nécessité ne doit jamais prendre la place de la norme, on va dire. Deuxième chose qu'a cité l'imam Sa'd, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, ta'dil al-adha wa ta'khir al-fitr. Il faut prier ces deux rakat lorsqu'on est le jour du sacrifice assez tôt et lorsque c'est le jour de la rupture du jeûne relativement tard. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté l'imam Shafi'i, Mursalan, c'est-à-dire il l'a rapporté sans citer le compagnon, mais al-Marasil, les hadiths Mursal de l'imam Shafi'i sont déclarés relativement authentiques. À la Kulihal, il rapporte, d'après Amr ibn Hizam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé, et parmi les recommandations qu'il lui a dit, il a dit, an ajjil al-adha wa akhir al-fitra. Fais la prière de l'adha relativement tôt et retarde celle du fitr. Pour quelle raison? La raison, vous pouvez la comprendre aisément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on avance ou qu'on prie relativement tôt la prière de l'adha afin que les gens puissent s'occuper, s'affairer par la suite à sacrifier. Et comme vous le savez, le sacrifice, ça demande du temps, ça peut demander une journée complète. Le temps de sacrifier la bête, de la prendre, de la ramener, de la sacrifier, de la dépecer, de couper la viande, de la cuisiner. Tout ceci peut prendre une journée, voire deux journées. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par souci de commodité pour les gens, a décidé ou a ordonné qu'on avance ou qu'on prie relativement tôt la prière de l'Adha. Par contre, pour le fitr, pour la rupture du jeûne, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à ce qu'on la retarde. Pour quelle raison? Pour que les gens aient le temps de sortir leur zakat, zakat al-fitr. Non. Car la zakat al-fitr, et ça va être l'objet de nos prochains cours dans Bab al-Zakat, car zakat al-fitr, elle doit être sortie avant la prière pour qu'elle soit considérée comme zakat en tant que telle. Non. Et vous n'êtes pas sans savoir que zakat al-fitr, elle vient réparer justement tous les manquements que la personne elle a eu durant son jeûne du mois de Ramadan. Si elle est sortie après, alors elle est considérée comme une sadaqat. Il aura perdu le bénéfice de sa zakat. Pour ceci, Allah dit tabaraka wa ta'ala concernant Yawm al-Eid, al-Adha, le jour où on sacrifie. Allah dit tabaraka wa ta'ala fassalli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur et sacrifie. Donc la prière, ensuite on sacrifie. Pour le Eid al-Fitr, regardez ce que dit Allah tabaraka wa ta'ala, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla. Certes aura réussi celui qui se sera purifié, puis aura évoqué son Seigneur, puis aura prié. Il y a cette notion dans ce deuxième verset, il y a cette notion de purification. Cette purification-là, comment elle se fait? Elle se fait par la zakat. La personne, lorsqu'elle donne sa zakat, elle est en train de se purifier. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala a cité quoi? A cité la purification qui est la zakat avant la prière. Alors que pour le jour de l'Eid al-Adha, il a cité le sacrifice après la prière. Vous avez compris? Quand aflaha man tazakka, certes aura réussi celui qui se purifie, puis qui évoque son Seigneur, puis qui prie. Ça c'est relatif au jour de Yawm al-Fitr. Il s'est d'abord purifié en sortant sa zakat, puis il évoque son Seigneur, puis il fait sa prière. Donc il va falloir retarder la prière. Et pour l'autre verset, fassalli li rabbika wanhar, prie pour ton Seigneur et égorge et sacrifie. Le sacrifice est cité après. Donc il faut s'empresser de faire la prière relativement tôt. Ensuite, on peut s'occuper et s'affairer au sacrifice de nos bêtes. Aussi quelque chose de très important ici, barakallahu fikoum, durant le Eid, et ça c'est pour que vous reteniez ceci, barakallahu fikoum, c'est l'inverse du Jumu'ah. La salat du Eid est toujours avant le khutbah, que ce soit Eid al-Adha ou Eid al-Fitr. Contrairement au Jumu'ah où la khutbah est avant la prière. Et expliquez la différence qu'il y a entre les deux, si j'ai le temps, inshallah, tabaraka wa ta'ala, à la fin de mon cours. Ensuite, l'auteur du livre dit « Wal fitru fil fitri » خاصة قبل الصلاة بتمرات الوتر. Il dit ici, il faut le matin, lorsque l'on sort pour la prière de l'Eid, le jour de l'Fitr, il faut rompre ou il faut manger quelque chose. Comment? En mangeant 3 dates ou 5 dates ou 7 dates ou 9 dates, c'est-à-dire ou 1 date, c'est-à-dire en mangeant des dates mais avec un nombre impair. Je vais vous rappeler le hadith par rapport à ça. Ça c'est le jour de l'Fitr. Quand est-ce que l'on mange ces dates-là d'un nombre impair avant de partir à la prière? C'est ce que dit ici l'imam. « Wal-fitru fil-fitri » Al-fitru, c'est-à-dire le fait de manger le matin, le jour de l'Fitr, en particulier « khassatan », c'est-à-dire qu'il exclut ici le jour du sacrifice, avant la prière, en mangeant quelques dates avec un nombre impair, en visant un nombre impair. Ça, c'est corroboré par le hadith de Anas. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وترا. Rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 953. Écoutez bien, le prophète صلى الله عليه وسلم avait pour habitude de partir, ou le prophète صلى الله عليه وسلم ne partait pas le matin pour la prière du fitr sans qu'il ne mange quelques dates et il visait un nombre impair. Rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 953. Par contre, le jour du Eid al-Adha, c'est-à-dire le 10e jour de Dhul-Hijja, alors il est sunna, quand je dis ici il est sunna, ce n'est pas une obligation, il est sunna de ne rien manger avant de partir pour cette prière. De telle sorte que la personne, elle se réserve le droit de manger de son sacrifice. La première chose qu'il mangera cette journée-là, c'est la viande de son sacrifice, c'est-à-dire après qu'il est sacrifié. Ya'kulu min nasikatihi wa dhabihati. Quelle est la hikma dans ceci? Quelle est la sagesse dans ceci? Pourquoi manger le jour du fitr, avant la prière, et pourquoi manger le jour de l'adha après la prière? Tout simplement car le fait de manger est lié au moment où tu vas sortir ton aumône, ta sadaqa. Effectivement, on sort l'aumône yawm al-fitr avant la prière, donc on mangera avant la prière. Et on sort notre aumône yawm al-adha lorsqu'on sacrifie, car c'est ça notre aumône qu'on offre à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, on mangera à ce moment-là. Il y a une espèce de corrélation entre la sadaqa que tu donnes et le moment où tu vas pouvoir manger la première fois dans cette journée. Après ceci, l'auteur du livre dit « وَأَنْ يَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ لَهَا » Il doit se laver et se parfumer pour cette occasion, pour cette prière. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. Donc l'imam Malik dans son Muwatta rapporte par cette chaîne de transmission qu'on appelle Silsilat al-Dhahabiyya, la chaîne en or. C'est-à-dire que chez l'imam Malik, il n'y a pas une chaîne de transmission plus authentique que celle-ci. C'est Al-Malik qui rapporte de Nafir, qui rapporte de Ibn Omar, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non? Chez l'imam Malik et chez les gens de Médine de manière générale, il n'y a pas une chaîne de transmission plus solide et plus fiable que celle-ci. C'est ce qu'ils appellent El-Silsilatu Dahabiyya. La chaîne en or. Ala kulli hal, l'imam Malik rapporte de Nafir, qui lui rapporte de Abdullah ibn Omar, sahabi, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait pour habitude de prendre une douche ou un bain, de se laver le jour du fitr avant de partir à la musalla. Donc il est sunna de faire le ghusl barakallahu fikum. De même, l'auteur du livre dit wa yalbasa ahsana thiyabihi, et il se pare de ses plus beaux vêtements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ceci a été rapporté dans Sunan et authentifié par Cheikh Al-Albani, D'après le hadith d'Abdillah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. Le prophète صلى الله عليه وسلم portait le jour de l'Eid un vêtement, burda, c'est un vêtement qui est assez long et tombé par-dessus le qamis, hamra, de couleur rouge. Ceci nous prouve que le prophète صلى الله عليه وسلم mettait des vêtements particuliers le jour du Eid. J'ouvre ici une parenthèse, barakallahu fikoum. Quand on est en France, souvent le jour du Eid tombe en milieu de semaine, alors que les gens sont au travail, ils ont pu se dégager une heure, voire deux heures, mais ils sont encore en milieu de travail, ou alors ils vont partir au travail, ils n'ont pas le temps de repasser chez eux pour se changer. Bref, souvent ils viennent comment? Avec des habits ordinaires. Non. Il convient, barakallahu fikoum, celui qui est dans cette situation, au minimum de venir au moins avec un qamis dans son sac. Non? Ou alors, de là-bas, ou quelque chose, qui va lui faire ressentir ce jour magnifique qu'Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré et dans lequel il est sunna de porter ses meilleurs vêtements. Comme on porterait ses meilleurs vêtements, lorsqu'on se marie, par exemple. Non? Là, aucun d'entre vous, le jour de son mariage, va venir avec des vêtements de travail, n'est-ce pas? Comment alors le jour du Eid, la personne peut venir avec des vêtements de travail, voire des fois même des vêtements qui sont sales. Ça, c'est la matière à faire. Donc, au moins, il prend un qamis dans son sac. Inch'Allah, c'est un qamis, c'est pas lourd. Non? Ça ne coûte rien. Et en même temps, Inch'Allah, il applique une sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le point suivant, وَيَذْهَبَ مِنْ تَرِيقٍ وَيَرْجِعَ مِنْ آخَرَ. Il part vers Abu Salla en empruntant un chemin et il revient en empruntant un autre chemin. Les hadiths de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق, rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 986. Jabir a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude le jour de l'Eid de changer de chemin lorsqu'il revenait. De changer de chemin lorsqu'il revenait. Alors les savants ont plusieurs explications sur ceci. Quelle est la sagesse dans ceci? Certains ont dit, d'ailleurs ce sont des explications qui ne se contredisent pas les unes les autres. Les premiers ont dit, afin que le musulman puisse montrer au plus de gens possible ce jour magnifique et ce jour grandiose qu'Allah a légiféré tabaraka wa ta'ala. Fait qu'il change de chemin, il va être amené à rencontrer beaucoup plus de gens et par la même à leur montrer qu'on est bien le jour de l'Eid. Deuxième explication, qui ne vient pas contredire la première, c'est pour qu'il passe et pour qu'il adresse le salam à plus de gens. Troisième explication, c'est pour que mais celle-là n'est pas valide. Elle a été dite par certaines personnes qui exagèrent dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam changeait de chemin afin que sa baraka, sa bénédiction puisse englober le plus de monde. Non. Wallahu a'lam bisawab. Wa ala kulli hal, le fait d'appliquer cette sunna, est une bonne chose et viendra à faire revivre ces sunnahs qui se perdent, malheureusement. بعد ذلك, et avant de passer à la suite, parce qu'ici, l'auteur du livre va expliquer comment on fait cette prière de Dorakarat, j'ai voulu aussi ramener d'autres choses que n'a pas cité l'auteur, mais qui sont aussi des sunnahs, des traditions à appliquer le jour de l'Eid. Il y a aussi qu'on appelle at-takbir, takbir fil al-eidain hina al-khuruj, le fait de prononcer le takbir à haute voix dès lors que l'on sort de chez soi pour se rendre vers la musalla. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, ici lorsqu'on reprend le contexte de ces versets coraniques dans sourate al-Baqara, là nous parle du mois de Ramadan et du jeûne durant ce mois-ci, et il dit: afin que vous puissiez compléter les jours et que vous proclamiez la grandeur d'Allah sur le fait qu'il vous ait guidé et afin que vous soyez reconnaissant envers lui. Donc ici, il y a cette notion de takbir. Donc, takbirullah, le fait qu'on ait pu compléter notre jeûne, c'est une grâce immense d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, il est sunna, il est légiféré de proclamer la grandeur d'Allah. Comment doit se faire cette chose-là? Bien sûr, en corrélation avec ce que faisait le prophète et ses compagnons. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر حين يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. Le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il sortait le jour du fitr, prononçait le takbir à haute voix. Non. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit de la prière, c'est-à-dire au musalla. Puis, il accomplissait sa prière, et lorsqu'elle était accomplie, il s'arrêtait de faire le takbir. Donc, barakallahu fikoum, la personne, dès lors qu'elle sort de chez elle pour se rendre vers la musalla, ou l'endroit où ils vont faire le Eid, il se doit de prononcer le takbir à haute voix. Il y a plusieurs façons de le faire, qui sont toutes légiférées. Par exemple, on peut dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ça, c'est la manière dont Abdullah ibn Mas'ud enseignait à ses élèves et de ce qu'il avait appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar deux fois, La ilaha illallah, Allahu Akbar deux fois, wa lillahi alhamd. Non. Il y a d'autres manières de faire aussi, mais par souci de concision, je m'en suis tenu à celle-là. Vous pouvez trouver les différentes manières de faire dans les différents livres qui traitent de ce sujet-là. Et à ma connaissance, il y a un dépliant que vous pouvez trouver en France assez facilement sur toutes les sunnans le jour de l'Eid, inshallah. Je pense qu'il sera distribué en amont de la prière des Eid, inshallah. Ce takbir-là, le jour du fitr, il commence dès lors que la personne, il commence à foin, dès lors que la personne sort de chez elle. Hein, et ce takbir, il se prolonge jusqu'à la fin de la journée, jusqu'au Maghreb. Jusqu'au Maghreb. Donc, la personne, comment elle fait ce takbir? Ce takbir-là, il l'est fait de cette manière-là et il n'est pas lié à des moments précis. Comme certains, par exemple, qui font ce takbir après les cinq prières quotidiennes. Il n'y a pas de preuve comme quoi ce takbir serait lié aux cinq prières quotidiennes. Mais il se fait de manière non conditionnée par un moment ou par un lieu. La personne, elle le fait selon son bon vouloir, dans les moments de la journée qu'il veut et aux endroits où il veut. S'il veut le faire après la prière, il le fait après la prière. S'il veut le faire avant la prière, il le fait avant la prière. S'il le fait en allant à la mosquée, il le fait en allant à la mosquée. Tout ceci, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ce que faisaient les compagnons. Yukabbirullaha mutlaqan. De même, le takbir n'est pas lié à la manière que je vous ai dit ici. La personne, elle peut dire par exemple, Allahu Akbar kabiran, Allahu Akbar kabiran, Alhamdulillahi kathiran. Il fait ce genre d'éloge et il vénère la grandeur d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans tout ce qui est légiféré d'une manière générale. Non. Ça, c'est pour Yom al-Fitr. Du Fajr jusqu'au Maghreb. Par contre, pour le jour de l'Adha, ce qui est sunna, c'est de commencer le takbir le 9e jour de Dhul Hijjah, c'est-à-dire Yom Arafah, le jour d'avant l'Eid, à partir de la Salat al-Fajr. À partir de ce moment-là, la personne, elle prononce le takbir dans les moments de la journée, hein, qu'il veut. Et ceci se prolonge jusqu'au dernier jour des jours de Tashri'. Donc vous comprenez, Dhul Hijjah, donc le Hajj commence le 8e jour de Dhul Hijjah, de ce mois de Dhul Hijjah. Le 9e jour, ce qu'on appelle Yom Arafah, il est sunna pour ceux qui ne sont pas en Hajj de jeûner ce jour-là. Mais à partir de ce jour-là, le 9e jour de la prière de Fajr, il commence le takbir. il le fait régulièrement dans la journée. Ceci se prolonge le 10e jour, qui est le jour de l'Eid, puis le 11e jour, puis le 12e jour, puis le 13e jour jusqu'à Salat al-Maghrib. Le 11e, le 12e et le 13e jour, c'est ce qu'on appelle Ayyam al-Tashriq, les jours de Tashriq. Ce sont des jours où l'on mange et où l'on boit et où l'on évoque Allah tabaraka wa ta'ala. Comme l'a dit le prophète, Ayyam al-Tashriq, Ayyam al-Aklin wa Shurb. Ce sont des jours où l'on mange et où l'on boit. Bien sûr, pas à outrance. Mais c'est des jours pour nous dire que le prophète veut nous dire par ceci que ces jours-là, on ne jeûne pas. Donc, les trois jours après l'Eid, on ne jeûne pas. Donc, il est aussi, à la Kulihal, il est sunna de prononcer le takbir à haute voix, dans les marchés, chez soi, dehors, dans un parc, dans la mosquée, en dehors de la mosquée, dans son lit, en dehors de son lit, on prononce le takbir de manière assez régulière, afin, inchallah, d'appliquer cette sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après ceci, l'auteur du livre dit « فَيُسَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامٍ » Donc là maintenant, on va rentrer dans la manière de faire la prière et tout ce qui est lié à ces deux rak'at de l'Eid. Il prie pour les gens, donc là il parle de l'imam qui va prier pour les gens derrière lui, deux unités de prière sans adhan et sans iqam. دفع عبد الله بن عباس وجابر قال كلاهما لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. Tous ont rapporté que le jour de l'Eid, ou plutôt on ne faisait pas l'adhan le jour du Fitr ni le jour de l'Adha. Donc concrètement, l'imam arrive et dès lors qu'il commence à dire Allah, et dès lors qu'il arrive et il veut pour prier, il prie directement, il dit Allahu Akbar, il rentre dans sa prière directement. Pas d'adhan ni iqab. Ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 960 et l'imam Muslim sur le numéro 886. Ba'da zalika yaqulu al-imam Abdurrahman ibn Sa'di yukabbiru fil ula sab'an bi takbirat al-ihram wa fi ath-thaniyati khamsan siwa takbirat al-qiyam. Il dit, il va prononcer le takbir ici dans la première rak'at 7 fois, en incluant le takbira de sacralisation, celui par lequel on rentre dans la prière. Et dans la deuxième, il va faire le takbir 5 fois en plus de celui lorsqu'il s'est remonté, lorsqu'il est remonté pour la deuxième rak'a. Puis là, ça fera 6. Fil haqiqati, les savants ont divergé, barakallahu fikoum, sur le nombre de takbirat que l'on fait durant la prière de l'Eid. Il y a trois grands avis sur la question, je vous les ai résumés. Le premier avis, c'est le fait de faire 4 takbirat. 4 seulement. 4 dans la première, 4 dans la deuxième. Non, c'est un avis. Deuxième avis, c'est le fait de faire 7 takbirat incluant takbirat al-ihram. Autrement dit, 1 plus 6. Takbirat al-ihram, 1, et on en rajoute 6 derrière. Ça, c'est dans la première rak'at. Dans la deuxième rak'at, on en fait 5 après celui qu'on aurait fait lorsqu'on remonte. Autrement dit, dans cette façon de faire, on dit Allahu Akbar pour rentrer dans la prière. Ça fait 1 et on en rajoute 6 derrière. Puis on fait la rak'at et lorsqu'on se relève pour la rak'at, on dit Allahu Akbar. Ça fait 1 et on en rajoute 5 derrière. Là, au total, on en a bien 7 dans la rak'at et 6 dans la deuxième, si on inclut tous les takbirat. Ça, c'est la deuxième façon de faire. La troisième façon de faire, c'est le fait de faire takbirat al-ihram une première fois et on en rajoute 7 derrière, qui profile à 8. Et dans la deuxième, On fera takbiratul intiqal, on se relève, ça fera 1 et on en rajoute 5 derrière. Non, ce qui fera 6. Voilà les trois façons de faire qui sont toutes légiférées. L'auteur du livre, après ceci, a dit il lève ses mains à chaque takbir. Chaque takbir. J'avais expliqué ceci lorsque nous avions évoqué la prière de l'istisqa, si je me rappelle bien. À savoir, est-ce que à chaque takbir que l'on va faire, il va falloir lever les mains. Je vous avais dit que la divergence, en fait, elle tient sur le fait d'un athar de Abdullah ibn Omar qui levait les mains à chaque takbir, que ça soit dans la prière de janaz, prière mortuaire, que ça soit dans la prière de l'istisqa, que ça soit dans la prière ici de l'Aïd. À chaque fois qu'une prière est légiférée avec plusieurs takbirat, alors à chaque fois il levait les mains. Et il est de notoriété que Abdullah ibn Omar était un sahabi qui suivait scrupuleusement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur la base de ceci, certains savants ont dit qu'il faut lever les mains à chaque takbir. Aussi, il s'appuie sur un autre hadith qui est beaucoup plus général, mais qui est authentique, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, où les compagnons ont dit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète levait ses mains à chaque takbir, dans n'importe quelle prière. Ça, c'est un avis chez les savants. Le deuxième avis chez les savants, c'est que on ne lève les mains seulement que dans le premier takbir, takbiratul ihram. Et tous les autres takbirat de la prière, même takbiratul intiqal, celui qu'on le fait lorsqu'on se relève, alors on ne lèvera pas les mains. Ils s'appuient, ou ils disent pour ceci, ils s'appuient sur le fait que le athar de Abdullah ibn Omar n'est pas authentique. D'ailleurs, ce athar, pour votre connaissance, Cheikh Al-Albani l'a rendu faible. Le hadith, le athar de Abdullah ibn Omar. Ce qui a poussé ces savants à dire, notamment Cheikh Al-Albani, que on ne lève les mains que dans le premier takbir, takbir al-ihram. Que ce soit cette prière-là ou dans la prière de janaz. Ce type de divergences qui ne doivent pas engendrer des querelles et des disputes parmi les croyants. Parmi ceux qui disent qu'il faut lever les mains, donc j'ai cité un petit peu les savants, il y a Al-Ahnaf, Al-Imam Abi Hanifa, Al-Shafi'iyya, Al-Hanabila, Al-Imam Malik, aussi on a Ibn al-Qayyim, l'imam al-Tahawi, à notre époque on a Cheikh Ibn Baz, on a Cheikh al-Fawzan, et on a al-Lajna al-Da'ima, c'était un comité des savants, qui avait à sa présidence à l'époque Cheikh Abdullah Ibn Baz, rahimahoullahu jami'an. Ceux qui disent qu'il ne faut pas lever les mains, on a plusieurs savants, et à notre époque Cheikh Ibn al-Albani, comme je vous l'ai dit. Donc ici, le docteur du livre, Abdur Rahman bin Sa'di, dit qu'il faut lever les mains à chaque takbir. Il loue Allah tabaraka wa ta'ala et prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre chaque takbir. Concrètement, pour que vous puissiez vous imaginer cette prière, lorsqu'on rentre dans la prière, on dit Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ensuite, on fait dua al-istiftah, que vous connaissez, que vous êtes censé connaître, etc., qu'on a déjà vu. Dua al-istiftah. Puis ensuite, on fait les takbirat, suivant la variante que l'on veut. Et ensuite, on fait al-ta'awud. A'oudu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, et on lit le Coran. Dans cet ordre-là. Takbiratul ihram, dua al-istiftah, al-takbirat, thumma al-ta'awud. Non. Ici, l'auteur du livre dit, entre chaque takbirat, il y a des invocations à faire, des doigts. C'est pour ça que vous voyez des fois certains imams, entre chaque takbir, il y a un laps de temps on pourrait penser qu'il ne dit rien. En fait, non, il dit des dora qui sont légiférées chez les savants. On a par exemple ce qu'a rapporté Abdullah ibn Mas'ud et authentifié par Cheikh l'Albani fi Irwa al-Ghalil, et il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Abdullah ibn Mas'ud, a été questionné sur ce que disait le prophète entre chaque takbir, et il disait يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي. Il louait Allah, il réitérait les louanges, il le louait, il réitérait les louanges et il priait sur le prophète. Autrement dit, qu'est-ce qu'il disait? Il disait الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Ce genre de dua. Dernière fois, ça c'est entre chaque takbir. Barakallahu fikum. Aussi, et j'ai été vérifier ce que disait Al-Lajna Da'ima sur ceci. Justement, ils disent ceci. Ils disent que la personne, elle dit Allahu Akbaru Kabira. S'il ne sait pas, s'il ne connaît pas toutes ces doigts, il dit Allahu Akbaru Kabira. Allahu Akbaru Kabira. Allahu Akbaru Kabira. Ou il dit Allahu Sallallahu Sallallahu Sallam. Ou il dit Afwan Sallallahu Alayhi wa Sallam. Ou Allahumma Salli ala Nabi. Ce genre de choses-là. Des choses qui sont assez simples et qui peuvent se rappeler facilement. C'est aussi l'avis de Charles Fosen qui a été questionné à cette question et qui a répondu de cette manière. Pourquoi يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها. Puis il va lire الفاتحة et une sourate dans laquelle il lira à haute voix. Concernant le Fatiha, ça c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais d'ailleurs il n'y a pas une prière sans qu'il n'y ait pas de Fatiha. Même dans la prière mortuaire, où il n'y a pas de recours ni de sujoud, comme on le verra, même dans cette prière-là, il est obligatoire de lire le Fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit « La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab » Pas de prière valide pour celui qui n'aura pas lu Al-Fatiha dans celle-ci. Non. Donc, il dit le Fatiha, au minimum. Ensuite, il va lire des sourates à voix haute. C'est important ici de dire à voix haute, car c'est une prière du jour. De manière générale, les prières du jour, on les lit à voix basse. Or ici, comme les deux rak'as du Jumu'ah, on la lira à voix haute. Qu'est-ce qu'il va lire durant ces deux rak'as à voix haute? Il lira « Sabbihisma Rabbika al-A'la » wa هل أتاك حديث الغاشية؟ Ce qui est sunna de lire lors du Jumu'ah. Pareil, il peut lire aussi قاف والقرآن المجيد. نعم. Il peut lire aussi اقتربت الساعة وانشق القمر. La sourate 50 et la sourate 54. نعم. Ça, ce sont des sunna, mais il n'est pas obligatoire de lire celle-ci ou de s'en tenir à celle-ci. Seulement, la personne, elle peut lire ce qu'il veut. نعم. Comment il fait la prière en général? Il fait les deux rakats comme il ferait deux rakats prière normale. Dès lors, فَإِذَا سَلَّمَ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ كَخُطْبَتَيْ الْجُمُعَ إِلَّا أَنَّهُ يَذْكُرُ فِي كُلِّ خُطْبَةٍ الْأَحْكَامَ الْمُنَاسِبَةَ لِلْوَقْتِ. Dès lors qu'il a procédé au taslim, c'est-à-dire aux salutations de sa prière, alors il se lève et il fait son prêche de deux en deux parties. Khataba khutbatay. Rappelez-vous pour le Jumu'ah, on dit que l'imam, il prononce deux khutbas. Ces deux khutbas-là, en fait, elles sont séparées par une assise. Une assise dans laquelle l'imam va se reposer. Ici, l'auteur du livre nous montre que khutbatul 'id, c'est exactement la même chose. في الحقيقة بارك الله فيكم والقول الصحيح سكو خطبة العيد السفاة دون سلطة فهي خطبة واحدة سكو سل خطبة إنو با دو contrairement au Jumu'ah. Autrement dit, l'imam va se lever, va faire son prêche jusqu'à la fin sans s'asseoir. نعم. Ça c'est ce qui est sunna. Si il s'assoit, ce n'est pas interdit. Mais s'il veut appliquer la sunna, alors il fait sa khutba d'une seule traite, d'un seul coup, sans assises au milieu. Non. Ce qui est important à comprendre ici, barakallahu fikum, c'est ce qu'a dit l'imam Abdurrahman ibn Sa'di. Illa annahu yadhkuru fi kulli khutbatin al-ahkam al-munasibata lil-waqt. il va devoir, durant son prêche, évoquer les règles religieuses consacrées à la prière et au jour dans lequel il effectue sa prière. Si on est le jour de l'Eid, Eid al-Fitr, de la rupture du jeûne, alors il va falloir parler du jeûne, du mérite du jeûne et de toutes les règles qui se lient au jeûne pour ceux, par exemple, qui ont des jours à rattraper. Toutes ces choses-là que les gens ont besoin de connaître pour pouvoir, Inch'Allah, compléter cette adoration de la meilleure des façons. Ça, c'est le rôle de l'imam durant le Eid, barakallahu fikoum. Durant le Eid. Et lorsqu'il est le jour de l'Adha, le sacrifice, alors il va devoir évoquer toutes les règles qui sont liées au sacrifice. Comment égorger, qui doit égorger, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, etc., etc. Ça, c'est un. Deux, l'imam doit profiter de cette occasion où les musulmans se sont rassemblés pour parler des sujets qui les concernent, des sujets qu'ils sont en train de vivre au jour le jour. Par exemple, l'imam peut profiter de cette occasion pour parler des problèmes que vivent les musulmans en France. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant les rides, beaucoup de personnes assistent et prient les rides, mais on ne les voit que ce jour-là seulement. Tout au long de l'année, on ne les voit plus. Ils ne viennent que pour les rides. Donc c'est une occasion en or pour ramener ces gens-là, inchallah, à l'islam, ramener ces gens-là à la sunna, ramener ces gens-là à la prière. Donc, l'imam doit prendre en compte ceci, il doit adapter son discours par rapport aux gens qu'il a en face de lui, barakallahu fikoum. C'est ce que dit ici l'imam Abdurrahman ibn Sa'd, rahmallah tabaraka wa ta'ala. وَيُسْتَحَبُّ Je dis quelque chose aussi très important. Le prophète avait pour habitude aussi, jour de l'Eid, de consacrer un discours pour les femmes. On a dit au début que le prophète a ordonné aux femmes aussi d'assister à la prière, de prier, sauf pour celles qui ont ses menstrues, donc elles ne prient pas, mais elles vont assister aux prêches de l'imam. Et le prophète avait pour habitude de consacrer un moment dans la khutba aux femmes, en s'adressant directement à elles. Donc l'imam, il doit aussi consacrer un moment pour les femmes. Non? Leur parler de choses qui les concernent tout particulièrement et notamment les manquements qui sont, d'une manière générale, beaucoup plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Non? Il doit leur rappeler leurs devoirs et leurs obligations vis-à-vis de leur mari, vis-à-vis de leur maison, vis-à-vis de leurs enfants, etc., etc. Pourquoi? Pourquoi ce traitement de faveur? Car, d'une manière générale, les femmes n'assistent pas au Jumu'a et n'assistent pas à la prière en commun. Donc, elles ne sont pas, il n'est pas fréquent qu'elles entendent ce genre de discours. Donc, il est moulinsime. Il est vraiment adéquat ici de parler, de leur adresser un discours tout en particulier. Non, c'est ce que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ba'da dhalika, et on va finir par ça, inshallah. يستحب التكبير المطلق ليلة العيد وفي كل عشر ذي الحجة. Il est recommandé de faire un takbir mutlaq. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. La nuit de l'Eid et وفي كل عشر ذي الحجة et aussi durant les 10 jours de ذي الحجة. Il dit والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أي من التشريق. Il dit elle se fait après chaque prière obligatoire de la prière du Fajr le jour de Arafa jusqu'à la prière de l'Asr yam et tashriq. Alors je vous ai expliqué tout à l'heure que al-muqayyad ici dans cette takbirata, il n'y a pas de taqyid comme le disait savant, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées à des moments précis ou à des ibadat, des adorations précises. Qu'est-ce qu'il dit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Il faut savoir que ce takbirat est beaucoup plus notoire et l'obligation est beaucoup plus forte, ou la recommandation est beaucoup plus forte le jour de l'Fitr. Pour quelle raison? Beaucoup plus forte le jour de l'Fitr, car Allah tabaraka wa ta'ala a dit, wa litukabbirullaha ala ma hadakum, afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah. Il a cité ce verset après avoir cité tous les versets concernant le jeûne. Voilà ce qu'on pouvait dire en résumé pour Arkam Ben Eid. Dernière question, Inch'Allah, ou problématique, avant que vous posiez la question. Celui qui a raté Salat El-Eid. Imaginons qu'une personne s'est levée en retard ou pour X raison n'a pas pu assister à Salat El-Eid. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il a été prouvé que plusieurs compagnons, d'ailleurs Anas ibn Malik, a été questionné, savoir une personne qui rate la prière de l'Eid, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, il a dit, il prie deux rakaat de la même manière que les gens ont prié. C'est-à-dire, sept takbir dans la première et six dans la deuxième. Hein? Ou alors, huit takbir dans la première et six dans la deuxième. Ou alors, quatre. Suivant les variantes qu'on a citées. Il fait deux rakaat de la même manière que les gens ont prié. Hein? Ça, c'est le qawlu. As-sahih. D'après le hadith du prophète, إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَمْشُوا عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَالْوَقَرَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَقْضُوا. Dirigez-vous vers la prière avec sérénité et calme. Et ce que vous avez pu rattraper de la prière, priez-le. Et ce que vous avez raté, alors rattrapez-le. Donc, il dit, sur la base de ce hadith, on le rattrape de la même manière que l'imam l'a prié. Il l'a prié avec sept takbir, alors on priera avec sept takbir, etc., etc. Une autre question qui s'impose. Celui qui arrive au moment où l'imam est en train de faire la khutba, il a déjà prié. Est-ce qu'il attend que l'imam finisse sa khutba pour faire ses deux rakaat? Ou alors il prie tout de suite les deux Raka'at, Al-Lajna Da'ima a répondu sur ceci, ils disent qu'il attend que l'imam ait fini sa khutba, afin qu'il écoute la khutba. Ensuite, il priera les deux Raka'at qu'il a ratés, afin qu'il arrive à réunir les deux bénéfices dans ceci. Voilà ce qu'on pouvait dire en résumé, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.